Voici votre bulletin régional. La compagnie Grimond de Dodwell organise une rencontre d'information sur le projet Harmonie, dans laquelle sera présenté le projet Harmonie dans son intégralité, le travail accompli par le comité citoyen et les travaux de fermeture de la carrière 4 au cœur du village qui débuteront prochainement. Cette rencontre se tient le 11 février à 18h30 à la salle communautaire de Dodwell. Pour plus de détails, M. Alexandre Renault à arenault@gremont.com. La réussite de votre enfant passe par vous. Participez à l'intégration de votre enfant à l'école. Pour les enfants de Scotstown, âgés de 4 ans avant le 1er octobre. Inscription à l'école Saint-Paul le 12 février de 8 à 11h45 et de 12h45 à 15h30. Patrick Normand se produira à la salle Guy Veilleux de Cookshire le 13 février. À Istinguis, le 13 février, soirée Saint-Valentin, tenue rouge, du Club Amitié, à la salle Notre-Dame-de-la-Garde.